Alors, on va commencer, heureusement, Amélie Arroyo est là. Pour ceux, puisque malheureusement, Kiki Les Montparnasse, on voulait faire cette rencontre absolument, moi je voulais vraiment beaucoup. Et bah, Olivier, tu peux venir nous en parler, parce qu'avant de lancer le film. Parlez quoi? Hein, bah, là, on parle de Mademoiselle Kiki Les Montparnasse, on est parti. Oui, mais avant, on va montrer le film. Donc, c'était juste pour nous parler, en effet, toi en tant que producteur. Donc, pendant que je prends le film, je cherche le film. Hop. Comment, juste rapidement avant de voir le film, comment est venu le projet du Alors, film? c'était un projet de fin d'études en fait d'Amélie quand elle était à l'EMCA, donc elle a fait l'EMCA Angoulême et en fait elle n'a pas fait de film de fin d'études, elle a juste conçu, vous connaissez ça à l'ESAT, elle a juste conçu un projet, on va dire, qu'elle a présenté à son jury. Et puis après à l'école, on a créé, ben, elle a dû présenter ça en juin. Et puis nous, le mois d'avril qui a suivi, on a créé les Trois Ours. Et Serge Elissalde, mon associé, qui est aussi enseignant à l'EMCA, a dit à Amélie, ben, amène-nous ton projet. Et puis elle est venue. Et puis voilà, on est tombé tout de suite amoureux du projet. Et à ce moment-là, on a commencé à lancer. Enfin, il y a eu un petit travail d'écriture quand même, mais c'était déjà bien abouti. Et assez vite après, on a commencé à chercher des sous, qui a été assez fructueux rapidement. Et donc, on a dû lancer la production en septembre 2009. Voilà. Et ça a mis un certain temps. Ça, on va parler juste après. On va déjà vous montrer. Voilà. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, alors j'arrive pas à me débarrasser de ça, ce qui était désagréable. Je sais pas pourquoi. Si, ben là, j'ai réussi. Donc voilà, on vous passe Mademoiselle Kiki des Montparnasse et on revient juste après pour en discuter avec Amélie et Olivier. Merci. Donc, Amélie Arrault qui va, et qu'on va, la lumière va se rallumer. Voilà, Amélie Arrault qui arrive, Olivier Catrin, et j'ai demandé à Morad Kertobi aussi de venir pour nous parler de Mademoiselle Kiki de Montparnasse et de la scénariothèque du CNC. Voilà, hop. Merci à vous trois d'être présents. Amélie, on parlait juste avant dans le débat d'avant documentaire, dans cette idée de réel, en tout cas. Toi, est-ce que quand tu as fait Kiki Les Montparnasse, il y avait cette volonté de faire un documentaire ou Il y avait cette volonté de faire un documentaire, mais très vite, en fait, il s'est avéré que c'était trop, pas compliqué, mais j'avais pas assez d'images d'archives et ça me contraignait dans un type de fidélité. J'avais pas forcément envie d'avoir. Donc, on a gardé cette intention de documentaire, mais au final, c'est pas un vrai documentaire, c'est vraiment une réinterprétation de sa vie. Il y avait cette intention au point de départ. D'où le fait d'avoir gardé en voix off les extraits du livre de Kiki. Je voulais quand même garder des traces. Donc, ça est resté assez fidèle. Enfin, il y a eu des réécritures pour que ce soit adapté. Au court-métrage, on a gardé une chanson. Au départ, on devait en avoir deux, mais au niveau du contexte, vu que c'était dans un cabaret, elle était jeune, ça fonctionnait pas très bien. Et qu'est-ce qu'on a gardé? Ben, les images de Man Ray, mais au final, c'est encore une réinterprétation, une remise, un habillage, en gardant quand même des photos. Moi, je voulais qu'à un moment, on puisse quand même la voir. Physiquement, et après, qu'est-ce que j'ai gardé? Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, mais donc, trois petits fils conducteurs comme ça. Donc au niveau visuel et au niveau scénaristique, est-ce que là, question qu'on a posée souvent, tout est vrai dans les grandes lignes et toi ensuite tu brodes Tout est dessus? vrai dans les grandes lignes. Après, je me suis permis des recontextualisations, c'est-à-dire que oui, ça lui arrivait de faire pipi, c'était pas forcément dans ce cas de figure, mais c'était dans cet état d'esprit de personnes rebelles qui en avaient marre des codes. Et, voilà. Donc j'ai essayé de le réadapter dans une petite scénette au lieu d'aller trop loin. En fait, le problème, c'est que dès qu'on veut développer, c'est vite extrêmement long. Et parler d'une femme, d'une vie en 14 minutes, c'était compliqué. Donc j'ai essayé de trouver des petites scénettes efficaces, mais bon, j'aurais pu encore faire une demi-heure dessus. On est toujours obligé de faire des deuils de plein de choses. Tout est vrai si tant est que... Il y a un autre mythe, normalement il devrait y avoir deux micros, on a laissé le micro. Tout est vrai si tant est que les mémoires de Kiki soient véridiques, c'est pas sûr, la tête tout réinterprétée. De quoi ? Ben oui, ça se trouve, tu te bases sur les mémoires de Kiki de Montparnasse, mais ça se trouve, elle-même, elle a tout... Ah oui, certainement. Enjolivé, arrangé. Oui, puis dans ses choix, il y a beaucoup de choses aussi qu'elle a censurées pour garder un peu ce qui l'intéressait. Fait l'impasse sur beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qui toi t'intéresser dans le personnage de Kiki ? Il y a différentes choses. Il y a déjà sa personnalité, le fait qu'elle arrive à rencontrer des artistes intellectuels là où elle vient d'un milieu pauvre et pas forcément éduquée, et cette force en fait de vouloir appartenir à un autre milieu, je trouve ça assez fort. Il y a ses choix où elle est modèle, mais elle va également chanter, et à l'époque ça va être une femme très reconnue, très admirée. Et même Piaf a peur d'elle dans les années 20-25 quand elle commence. Et ça, c'est complètement oublié. Et puis après, il y a son regard sur les artistes, le fait qu'elle les regarde comme des êtres humains. Et c'est vrai qu'on commence des études d'art, on est sur des œuvres et on oublie l'homme et leur histoire. Et ils étaient déconnants. Enfin, et du coup, j'avais envie de réinsuffler tout ça et revenir sur eux à ce moment-là. Et désacraliser un peu l'image qu'on peut en avoir. L'envie de passer donc derrière l'histoire officielle, on va dire, qu'on peut lire. Est-ce qu'on t'a parlé justement, alors on va rester sur le documentaire, oui. Est-ce que, bon, on va revenir après sur le film, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te voir pour te dire là c'est pas exact, ou là c'est justement des historiens, est-ce qu'on t'a... Eh bien justement, j'étais en contact avec... là, récemment Dan Frank qui a écrit Bohème et qui est un érudit de toute cette période, et non j'ai pas eu ce type de retour, au contraire ça plaisait parce que c'était un regard un peu plus neuf et je crois qu'ils s'en fichaient un peu. Est-ce que le fait que ce soit en animation pour eux ça les a surpris, peut-être même ils ont préféré, alors en plus on va parler évidemment du mélange de technique, que d'avoir forcément un acteur, enfin une actrice là qui représenterait pendant tout le long Kiki. Mais oui, enfin oui, dans le sens où l'animation du coup, en tout cas pour les historiens ou personnes que j'ai pu rencontrer assez sensibles à cette période, pour eux c'est une manière aussi de voir par exemple le documentaire différemment. Et par exemple... aller au-delà de l'image d'archive, par exemple, pour faire un documentaire, et l'animation peut permettre de combler des vides, parce que 1910-1915, ces artistes, il n'existe quasiment aucune trace d'eux jeunes. Donc, c'est aussi pour eux une manière assez surprenante d'aller au-delà de trois photographies et de les remettre dans le contexte et les faire revivre. Moi, c'est le retour que j'en ai eu. Morad, qui est juste à côté de toi, disait tout à l'heure dans la salle, disait, mais pour moi, Kiki Montparnasse, c'est un film de fiction, qu'un sous-genre qui est, enfin, un genre qui est biopique, mais pas un documentaire. Toi, comment tu définirais ton... Est-ce que tu as envie de définir d'abord ton film ? Et si oui, comment tu le définirais ? Moi, je suis assez d'accord avec ça. Pour ma part, même Les Trois Ours, nous, on ne le présente pas comme un docu-fiction. C'est pas assez fidèle, s'il y a une liberté, moi je suis entièrement d'accord, pour moi c'est pas un documentaire. Morad, tu te rappelles toi d'arrivée du scénario, du dossier au CNC Il y a longtemps maintenant, hein, c'est longtemps. 2009, je crois, donc ça remonte, et c'est vrai que pas eu le temps de rechercher dans mes archives les éléments en fait, hein, qui pourraient me permettre de donner un peu de précision sur la réception du projet. Mais en tout cas, cette notion d'étiquette de genre n'a pas du tout été abordée dans les débats en commission sur est-ce que c'est un documentaire ou est-ce que c'est de la fiction. C'était absolument pas un sujet important en fait. Hein, ce qui a surtout plu, c'était la proposition graphique et enfin, toute la richesse visuelle du projet. Ensuite, il y a eu des discussions sur le scénario, justement, l'aspect écriture et proposition de mise en scène. Donc là, il y a eu, voilà, le projet n'est pas passé à l'unanimité, hein, il y a eu vraiment du pour et du contre. Mais voilà, tout ce qu'on vient de dire là, et depuis ce matin, en fait, sur la question du documentaire, est très intéressant parce que. Je retiendrai, moi, pour résumer, hein, ce que je partage avec Antoine, hein, sur la définition de la mise en scène d'un point de vue et, sur du réel. Donc là, en l'occurrence, c'est un personnage qui a existé. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est la question que tu as posée en préambule, hein, sur qu'est-ce qui, chez Amélie, intéresse, pourquoi s'adresser à ce personnage et comment la voit-elle et comment va-t-elle raconter voilà, son regard sur ce personnage. Donc il y a plein de questions à poser sur ses choix de mise en scène et de point de vue. Par exemple, pourquoi effectivement balayer toute sa vie, en fait, hein, et ne pas choisir. C'est pas une critique, hein, c'est vraiment une interrogation. Mais je pense à des films biopiques, par exemple, qu'on a pu voir, où c'était. Alors, à quoi on pourrait penser. Dans les cas récents, mais en tout cas où il y a eu des choix, par exemple, d'un moment de la vie. Ben, Ryan, par exemple, en effet, parle de quelques moments de la vie, quoi. Ryan de Chris Landrette, en effet, n'est pas forcément, on ne voit pas Ryan jeune, enfin, on voit juste à partir du moment où il commence à faire de l'animation, donc, par exemple. Voilà, on peut choisir effectivement un moment de la vie et l'approfondir. J'ai complètement oublié, mais il y avait un personnage qui a fait l'objet de deux films. La Coco Chanel, par exemple. C'est vrai que quand on parle de long métrage, là on est sur du court, donc c'est forcément comme le disait Amélie. Alors Amélie, comment le scénario, on va parler vraiment comment le scénario, parce qu'après, a été écrit. Combien de temps? Combien ça a pris de temps? Il y a eu combien de versions de scénario? Il n'y en a pas eu beaucoup. J'en ai eu deux. Après, elle a évolué tout au cours de la fabrication. Il y a des questions qui sont venues. Pour répondre à la question de enfance jusqu'à la fin, c'est un choix lié à sa deuxième écriture. En fait, il y a Kiki a écrit deux versions, celle qui est éditée à l'heure actuelle. Elle l'a réécrit et elle a comblé les années 30 et 40. Et donc, je voulais rester un peu fidèle à elle, son premier choix qui était d'expliquer d'où elle venait, jusqu'où elle en arrive dans les années 45, où c'est la fin, elle est en perte de vitesse, elle chante quasiment, enfin un petit peu, mais voilà. Et donc c'était rester fidèle, c'est là où moi je me posais la question de pas d'un documentaire, mais respecter une trace. Hein. Voilà. Sauf que c'est étonnant, parce qu'il y a toute une grande partie du film, la première partie, qui est vraiment beaucoup plus documentée, on va dire. On a l'impression qu'il y a juste à un moment donné, et que tu n'as pas envie de parler forcément de la chute, et que la chute est traitée de manière, avec cette peinture animée à un moment donné, beaucoup plus sur le ressenti réellement que dans le factuel. Ça, c'était volontaire parce que. Il y a à peu près des années 35 à 45, elle raconte vraiment d'autres histoires. On est sur d'autres choses qui me semblaient un peu moins intéressantes, sur des gens peu connus et plutôt de l'ordre de l'intime. Donc j'ai préféré l'évoquer plutôt que de repartir sur encore une autre histoire. C'est presque deux choses très différentes. Donc c'est en ça où je suis partie sur de l'évocation, quelque chose de très rapide pour pas non plus partir sur encore 10 minutes. Il me semble que le parcours de cette femme était est intéressant à évoquer, enfin c'est même au niveau le cœur du film, c'est justement c'est ce parcours, plus qu'un moment de sa vie, effectivement il y a un moment de sa vie qui est particulièrement riche, c'est ce qui est un peu au centre du film, mais ce destin, effectivement quelqu'un qui vient d'un petit coin de la France, d'un milieu très populaire, qui par le biais de son statut de modèle va réussir à créer elle-même, mais effectivement il y a un moment elle se perd quoi. Et donc, c'est important d'avoir tous les éléments je trouve pour voir un parcours d'une femme au début du siècle. Justement, c'est comme le dit Amélie, c'est quelque chose de très fort qui était ce rapport de cette femme à tous ces peintres, à tous ces gens connus. Est-ce que ça c'était quand elle t'a apporté le scénario, est-ce que l'intention, cette intention là qui est très forte et qui est la base du film, enfin elle était déjà présente ou est-ce que c'est le producteur qui va essayer de chercher Oui, alors dans mes souvenirs, dans le scénario qui était présenté au CNC, la deuxième partie était beaucoup plus évoquée en détail. Elle s'est réduite à peu de choses à la fin, à une évocation, alors que c'était davantage évoqué au début. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, Amélie ? Bah, les choses ont évolué et forcément, il y a un moment où moi aussi je me suis posé cette question de... Est-ce que ça a un réel intérêt de le développer et je sentais que j'allais m'embourber quelque part. Donc il fallait que je trouve un autre biais pour le raconter. Et l'évocation semblait plus simple sans tomber dans de l'anecdote. Puis on perdait l'énergie. Il y a l'énergie au début du film, dans cette vie un peu trépidante, comme ça, de rencontre, etc. Alors que dans la deuxième partie, c'était un souci d'ailleurs dans le scénario, on était sur des trucs, sur une espèce de déprime qui faisait un peu probablement retomber le film. Je ne sais pas comment on aurait réussi à le traiter vraiment en image. Elle a trouvé la solution, c'est bien. Alors, justement, entre le début de l'idée embryonnaire du scénario à l'MK et la fin de la réalisation, il y a combien de temps ? Cinq ans. Ouais. Okay. À peu près, ouais. Oui, parce que non, ça a été assez long. Et en fait, à l'AMCA, j'avais juste cette idée que j'ai commencé à développer avec cette intention de choix graphique. Et puis après, il s'est passé du temps entre la demande d'aide à l'écriture, écrire, monter les dossiers. Donc il y a aussi toute cette étape où le projet a un peu mûri. Et puis, il s'est passé 2 ans, quoi. Et donc, entre le début où Amélie est étudiante, bon, elle a des professeurs, etc., qui peut-être lui parlent de son film, ensuite elle a des producteurs, ensuite elle va tourner. Comment on garde l'énergie en tant que réalisatrice pour faire ce qu'on a envie de faire dès le début ? Ou est-ce que c'est pas grave, ça change et comme tu dis, ben, on avance avec ces changements ? Bah, en fait, dès le point de départ, mon intention de vouloir avoir différents types de représentations, dans mon esprit, c'était comme faire plusieurs courts-métrages en un. Donc, à chaque étape, je savais que je repartais à zéro. C'est un peu éprouvant, mais en même temps, c'est à chaque fois quelque chose de neuf qui se remet en place, où j'étais de nouveau dans la recherche. C'est en ça aussi, je ne m'étais pas fermée à me dire « le film est proposé comme ça, donc je dois le faire comme ça ». Je savais qu'il y aurait des choses qui allaient être nourries, j'allais lire d'autres choses entre-temps, découvrir d'autres choses, et ça viendrait petit à petit nourrir le projet. Est-ce qu'Olivier, c'est quand il y vient en disant ben voilà, j'ai enfin donc il y a le dossier, je vais faire plusieurs moments de la vie de Kiki, et il y aura plein de moments avec des techniques complètement différentes. Elle est quasiment à tous les postes. Il y a pas mal de gens qui ont aidé Serge Issa dans l'animation, mais évidemment aussi d'autres personnes. Est-ce qu'on réfléchit à deux fois en se disant mais ça va être de la folie ce film, on va apprendre. On a quelqu'un qui ne connaît pas forcément toutes les techniques, donc elle va devoir apprendre quasiment chaque technique à chaque fois qu'elle fait le film. Évidemment, c'était pas forcément facile. Moi, je connaissais le personnage de Kiki Montparnasse à cause de la bande dessinée de Cattel. Donc, j'étais très, très intéressé par le personnage. Mais sur cet aspect-là précis, j'ai quand même pas mal fait confiance à Serge, qui avait eu Amélie comme élève. À partir du moment où Serge me disait « Mais oui, elle va y arriver, t'inquiète pas. » Moi, pas de problème, hein. Et d'ailleurs, il avait raison. Oui, il n'y a pas eu des moments de doute ? Si. Mais de tous les côtés. Hein. Ouais. Moi, ça a été des doutes permanent. Alors, j'ai pas eu de doute qu'elle mènerait bien le film. Elle a eu des moments de doute sur des choix à certains moments. Moi, j'ai jamais douté sur le fait qu'elle mène à bien le projet. J'ai senti qu'à un certain moment, il fallait, voilà, on était dans des questionnements, donc il fallait laisser du temps. Ce qui est compliqué, parce que qui dit du temps dit problème de ressources, etc. Il faut bien qu'elle arrive à vivre pendant le film. On ne peut pas payer la réalisatrice pendant 3 ans et demi en continu pour faire le film. C'est, voilà, après, à un moment. Donc il a fallu trouver des solutions. Mais je pensais bien qu'elle allait trouver. Oui. Toi, Amélie, il y a des moments dont tu dis doute. Là, on se repose sur qui ? Sur les producteurs qu'on a réussi à avoir sur, Ah oui, oui, oui. Moi, je vous ai énormément parlé de mes questions, mes problématiques. Serge est à côté, donc voilà, c'était... ça, c'était très important. Dès que j'avais des problèmes, des questions techniques, il était présent. Ça m'a énormément débloqué. Oui, ces doutes étaient... assez récurrent en me disant mais où est-ce que je les emmène, si ça se trouve le résultat sera pas là et ça va être une déception totale, enfin je crois que c'était ça ma plus grande angoisse. Elle avait plus de doutes que nous en fait. ça arrive souvent dans Olivier, non, des auteurs ouais. Mais d'ailleurs c'est un peu un des rôles du producteur, c'est de soutenir le réalisateur, lui redonner de l'énergie et tout ça, même si parfois il peut avoir des doutes lui-même, il ne faut pas qu'il le montre trop. Parce que... Après la fin du film, une fois que le film est terminé, tu peux dire voilà. Alors je n'ai pas infligé, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément des fois agréable, mais je vous conseille de regarder. Enfin, j'ai infligé à Amélie, parce que des fois, se regarder, ce n'est pas évident. Amélie Arrow, là. Donc, voilà. Vous voyez, de suite, elle réagit, donc je n'ai pas. Alors, ça passe demain soir. Voilà, c'est ça, ça passe demain soir. Je pensais que je n'allais pas le voir. désolé, tu ne regardes pas. Donc, mais ce qui est intéressant, donc, c'est un petit reportage qui a passé sur Arte, parce que si vous voulez revoir, enregistrer, Manuel Kiké, mon pardon, voilà, il passe demain soir sur Arte, alors comme d'habitude. Arte, c'est déjà bien qu'ils en passent, mais c'est à quelle heure ? 2h30 du matin ? Non, une heure. Une heure. Voilà, c'est ça. Le producteur minuit, une heure. Ouais, il reste une heure. Et donc, on voit, il y a plein de recherches, il y a plein de... Tu parles à des moments, tu montres voilà, un petit peu le travail. Alors, encore une fois, on va couper, parce qu'on t'a en vrai, donc on ne va pas te... Voilà. c'était quoi cette envie de... Voilà, de toutes ces techniques, c'était parce qu'elle a vécu une vie qui était tellement incroyable, qui était tellement voilà, multiple, qu'il fallait absolument... Moi, je trouvais que l'animation, c'était un bon prétexte pour aller... pour proposer un regard différent. Et les techniques me permettaient de raconter autre chose qu'elle, ce qu'elle pouvait dire en voix off. Et c'était vraiment un jeu de clin d'œil, comment elle percevait les artistes en même temps, comment les artistes pouvaient la percevoir. D'où ce mélange de techniques, et puis ça va avec son évolution, son caractère. Les premiers dessins, ça fait écho à elle, des dessins qu'elle a pu faire, des dessins de presse un peu naïfs. Et je trouvais que c'était intéressant de partir avec elle... Je me mélange. Mais oui, je trouvais que c'était intéressant en tout cas d'avoir cette évolution qui allait avec elle, son évolution personnelle et une maturité en fait. Et graphiquement, je voulais qu'on ressente ça, plus à l'intérieur, des clins d'œil aux peintres. Alors justement, est-ce qu'on n'est pas inquiète à un moment donné ? Il y a quand même du beau monde, des grands peintres là qui sont... dont on voit le portrait, dont on voit des peintures qu'on connaît, et tu gardes le style, si possible, évidemment, du peintre. Est-ce que ça, c'est quelque chose c'était dès le début, c'était évident que tu voulais garder ce côté C'était propre. Évident, je voulais le garder. Après, je ne savais pas du tout si déjà, de une, j'y arriverais, et de deux, si on allait me jeter des cailloux à l'arrivée. Donc... c'est toujours compliqué en fait, ce type de rapport, ça peut vite être perçu comme quelque chose de prétentieux, c'était pas du tout ce que je voulais, mais on sait jamais en fait comment les choses peuvent être perçues. Donc, jusqu'au bout, même maintenant, hein, j'ai encore des doutes, savoir si ça fonctionne ou pas. Il y a des problèmes, juste une question bête, il y a des problèmes de droit en tant que producteur, c'est-à-dire quand on représente comme ça, il y a... Non, pas quand on représente des tableaux, mais en revanche, on a utilisé des photos de Manet, ça on a dû les payer. C'est cher. D'ailleurs, au début, il y avait une liste longue comme ça. Oui, mais... Heureusement, Amélie est raisonnable. Parce que... tu veux dire photo de Manet, c'est ça? Vous voulez... Oui. Non, c'était beaucoup plus long que ça, le passage ou... On ne savait pas combien ça coûtait. Olivier m'a demandé une liste exhaustive. Je lui ai envoyé les photos qui m'intéressaient en me disant, bon, on verra. Et quand tu m'as dit donner le coût d'une photo, j'ai un peu revu à la baisse et très, très à la baisse le choix. C'est combien le coût d'une photo de... C'était 500 euros, non? Ouais, ça doit être dans ces dollars. Hein. Oui, donc on réfléchit, on l'a fait plusieurs fois. Oui, voilà. Et donc, on n'a pas envie d'en faire n'importe quoi. Ça fait un peu cher, la photo. Donc on réfléchit bien, oui. Il y a quelque chose de très important qui est très difficile. D'ailleurs, en animation, il n'y en a pas tant que ça, il y en a de plus en plus. C'est bien sûr les dialogues. En tout cas, là, c'est la voix off. Comment est écrit les dialogues? Tu les as écrits, ça a été une évidence pour toi? Ou alors il y a eu beaucoup de travail, de retravail Oui, il y a eu beaucoup de travail, de retravail. Il y a eu une première base. Donc les animateurs ont animé dessus. Et sur la fin, Yann Volsi a travaillé sur le son. Tu m'as quand même énormément aidé à ce moment-là pour retrouver de la finesse et du sens dans les dialogues. Donc il y a eu vraiment un travail sur la fin du film important. Je fais quelque chose qu'il ne faut pas que je fasse parce qu'au film, et là, évidemment, on ne va plus le voir. Enfin, bon, c'est un peu comme d'habitude. Mais Yann, Yann Volsi, qui a. Obligé d'être son regard de Chen Chen, il a pris à faire mon Ferrand. Comment je suis connu pour Kiki Von Barnas? Voilà. Comment s'est passé? T'arrives à quel moment toi, du film? Alors, déjà, ton titre exact pour le film, c'est. Ton titre générique, c'est concept. Je suis pas un réalisateur sonore, monteur son, je sais plus exactement. T'arrives à quel moment du film? Assez tôt. En fait, j'arrive à un moment où Amélie présente son. Sur les Ursulines. Deux ans. Donc finalement assez tôt, parce que souvent le son on n'intervient qu'à la toute fin en post-production. Mais voilà, je connais déjà un peu Olivier. Moi j'aime comme beaucoup de gens qui font du son, j'insiste beaucoup pour qu'on soit là le plus tôt possible. Même si au départ on ne travaille pas, mais juste on discute, on réfléchit. Et voilà. Assez tôt pour anticiper des choses et notamment une difficulté dont je les préviens qui est attention, il y a plein de tout petits bouts de dialogue, il y a plein de comédiens différents qui vont chacun dire deux répliques. Donc ça peut, attention parce que ça peut être un problème parce qu'un comédien c'est cher, c'est pas loin du prix d'une photo. C'est ça. Donc pour dire deux répliques, ça va être compliqué dans un budget de court métrage. En plus, ça serait vraiment génial si on avait des vrais natifs, des différentes langues, plutôt que d'essayer d'imiter des accents, ce qui est souvent pas très très maladroit. Voilà, c'est des difficultés dont on parle assez tôt. Donc, comme tu disais, l'expertise de quelqu'un, Olivier Amélie, comme Yann par exemple, sur un film comme ça, c'est très important. Finalement, tu te remets. Est-ce que quand il commence à parler à partir du sujet des Ursulines, il y a plein de choses qui étaient dans le film et sur lesquelles vous posez de nouvelles questions? Ça redonne une autre... Ah oui, ça redonne une autre vision. Et puis, tout au long, en fait, vraiment, la dernière année, tu es intervenu de manière ponctuelle pour faire des retours sur tes ressentis, les voix, les bruitages. Et ça a aidé aussi à affiner petit à petit le travail. Mais je ne sais pas si je réponds, je suis peut-être à côté de la plaque. Non. C'est donc cette idée de retravailler, Olivier. Il y a quand même un moment quand on a. Parce qu'on travaille, on est longtemps sur l'image, il y a un moment où on commence à travailler sur l'univers sonore et tout, on remet la voix avec les images et tout ça. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte. C'était à la fin de l'été, donc on était à quelques mois de la fin du film. On s'est dit, on a un problème avec la voix off en fait. Ah, mais ça, je le disais depuis le début. Non, mais on le savait, mais c'est vrai, quand on voit vraiment que les images commencent à être terminées et qu'on met la voix dessus. C'est vrai qu'on avait on a eu beaucoup de mal à trouver le ton juste. Il fallait pas qu'on tombe dans l'anecdote, il fallait pas non plus qu'on tombe dans le truc un peu didactique quoi. Et j'espère qu'on a réussi à rester à la limite, mais à un moment on était trop dans la surenchère d'événements et ça devenait un peu didactique, ça fonctionnait pas très bien. Bon, mais c'était la voix d'Amélie aussi, après, avec une vraie actrice, je suis désolé, Amélie, ça me donnait lieu. Yann, toi, tu arrives à ce moment-là, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des fois où tu vas prendre parti en disant, bah, ce que tu disais là, par exemple, qu'il y a plusieurs acteurs, enfin, il y a plusieurs possibilités de dialogue, est-ce qu'au niveau des sons, au niveau des choses, tu dis non, là, ça va être, pour une petite anecdote, je t'avais demandé de faire un travail sur la bande-annonce qu'on a fait, et d'un seul coup, tu disais, bah, non, là, ça va. Rajouter, si on rajoute des sons, ça ne va pas être forcément bon, ça va être... Donc toi, tu arrives à ce moment-là et tu dis, non, ça, mon avis, n'était pas de son. Il y a une grande discussion avec la réalisatrice. Est-ce qu'elle déjà, pour poser ma question, est-ce qu'elle déjà avait plein de choses très précises en disant, là, je veux ça, là, je veux ça, là, je veux ça, du son. Amélie était très en demande de collaboration, d'échange. Il n'y avait pas d'idée très arrêtée. Y compris aussi avec le musicien, Olivier Davio. Et elle a su créer les conditions d'échange, y compris entre moi et Olivier. Parce que c'est vraiment dû travailler sans se voir plus ou moins. On a vraiment dû échanger beaucoup pour que le son et la musique s'harmonisent, qu'une cloche de train puisse sonner entre les deux, des petits détails comme ça. Mais, et puis, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est pas le même art, comment vous dialoguez entre les gens qui sont du son et les gens qui sont plutôt de l'image. Des fois, c'est pas évident finalement de pouvoir parler ensemble. Ça va, la musique c'est parfois compliqué, mais le son, on a un vocabulaire qui est assez commun, des références communes. Je rappelle pour la petite anecdote, par exemple, on s'était dit, j'avais proposé à Amélie, mais juste en lisant sur le papier, ah, c'est génial cette époque-là, les cabarets, l'opéra, c'est là qu'a été inventé le vocabulaire sonore du cartoon en fait. Qui a été repris par les Américains, et tous les jazz au flûte, tous ces sons de crécelles, etc., qui sont beaucoup dans les cartons américains, viennent beaucoup de la scène française, entre autres, du cabaret, de l'opérette. Et ce serait génial si on arrivait à en injecter un peu dans Kiki. On a commencé, à un moment donné, on a commencé à en mettre, et puis d'un seul coup, ça faisait cartoon, ça faisait plus du tout, donc ça marchait pas. Voilà, c'est aussi en disant des bêtises et en faisant des petites erreurs. Et une idée de. Au bout, je me disais, mais ça marchera pas, on va quand même essayer. Toute la première séquence, vraiment, est entièrement bruitée avec juste des bouts de papier. Ça se sent, enfin, on l'a pas fait pour que forcément le public dise, ah, tiens, c'est bruité avec des bouts de papier, juste pour que ça, voilà, qu'on, nous, on le sait, puis c'est marrant d'en parler après. Mais c'est, jusqu'au bout, c'était peut-être une très mauvaise idée, puis quand on l'a fait, on s'est rendu que ça marchait. Et voilà. C'est aussi en découvrant le film et en. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu un dialogue entamé assez tôt qu'à un moment donné, on se fait confiance et qu'on peut proposer, et qu'il y a plein d'hypothèses qui ont aussi été écartées. On peut essayer de continuer à chercher. Quoi. Quand on a quelqu'un comme Serge Elissal, qui a beaucoup travaillé les dialogues à travers toutes ces séries télé, voilà, c'est même les cours. Enfin, est-ce que ça, c'est important? Est-ce qu'il t'a beaucoup apporté ou toi, tu savais déjà enfin, tu savais déjà, tu as eu une intuition par rapport au dialogue qui t'a permis de vraiment avancer, même avec les ailes, mais toute seule. Toute seule, ben, j'avais déjà une base. Après, sur la fin du projet, j'étais en demande pour réécrire la voix. Elle me dérangeait, il y avait plein de choses à enlever qui ne servaient à rien, redonner un peu d'énergie. Et Serge m'a proposé de travailler avec lui. Mais j'étais très intimidée, du coup j'ai travaillé tout le week-end avec mon copain et on a tout réécrit et je suis arrivée le mardi en lui disant voilà, j'ai réécrit ça, qu'est-ce que t'en penses? Et voilà, il a validé, il a proposé une ou deux idées de plus en termes d'intention, dialogue et... Ils sont pas trop interventionnistes les trois ours? Pas du tout. Enfin, si, en fait. Ouais. Non, ça va. Est-ce que Olivier, on a l'impression de sentir c'est un projet qui a demandé vraiment du temps et qui avait besoin de ce temps-là en tant que producteur? Comment on fait, comme tu dis, quand ben, on sait qu'il y a un budget à tenir, il y a Amélie à vivre, comme tu disais. Les gens, comment on se dit, ok, là, tant pis, je sais qu'il faut que je lui laisse 3 ans. Il faut que je laisse le temps à ce projet de mûrir et non pas dire, non, là, je suis désolé, j'ai... réserver le studio à ça, et donc il faut que ce soit terminé à ce moment-là. Oui, c'est un aspect qui est un peu compliqué à gérer pour plusieurs raisons. Il y a le problème effectivement financier, c'est qu'il faut bien qu'elle arrive à la vie. Donc effectivement, pendant le film, elle a aussi travaillé sur d'autres productions, dont Betty's Blues, qui est aussi en compétition. Elle est trois fois en compétition. Parce qu'elle a aussi travaillé sur la série C'est bon. Et elle a fait aussi des coups d'œil. Donc ça, on peut, ça te permettait de penser un peu à autre chose, de oui, sortir voilà, un peu. Voilà. Donc ça, voilà, il y a cet aspect-là. Et il y a l'aspect aussi que quand on dépasse le temps imparti au départ, tout le monde vous tombe dessus. Arte, CNC, la région. Après ça, moi j'en ai deux, j'ai le conseil général et j'ai la région. Donc il faut expliquer à tout le monde, faire des courriers, dire on est en retard, mais on va l'emmener là, et donc on va terminer à ce moment-là, etc. Et puis après aussi on pense, on essaye de penser à comment on va sortir le film à un moment donné. Alors, j'ai imaginé un peu naïvement, par exemple, qu'on pourrait être prêt pour le Cannes de l'année d'avant. Et pas du tout. Et je voulais, et à un moment, j'ai compris que c'était mettre une pression sur Amélie. Mais c'est aussi une façon de dire il faut laisser du temps. Mais en même temps, on ne peut pas laisser tout le temps parce qu'il faut qu'il y ait un moteur aussi pour avancer. Il faut quand même un calendrier. Est-ce que là, il y avait un vrai calendrier? J'ai l'impression que ça a tellement... Oui, au départ, mais en même temps, il fallait s'adapter. Quoi. Et à un moment, j'ai senti qu'elle avait besoin de vacances. Je lui ai dit, pars en vacances. Quoi. Et je ne suis pas partie. Voilà, donc on improvise beaucoup, effectivement. Alors, c'est vrai que ça dépend beaucoup des productions. Et parfois, on peut tenir un calendrier assez précis. Notamment quand on travaille avec des équipes, c'est nécessaire. Les tournages en volume, par exemple, on est obligé de tenir un calendrier précis. Pas monopoliser un studio et tout ça. Là, il y avait beaucoup de choses qu'Amélie faisait toute seule et il y avait des choses, il y avait vraiment un besoin de réflexion. Donc, bon, pour nous, c'est pas forcément, ça rend les choses un peu compliquées, mais c'est pas non plus un obstacle insurmontable de laisser un peu plus de temps, je compte en période de 3 ou 6 mois, facile. Voilà. Morane Kertobi, du CNC, on l'a déjà dit. Il y a quelque chose qui est apparu il n'y a pas longtemps. Je voulais parler de ça, de profiter de Mademoiselle Kiki de Montparnasse pour parler de cette initiative du CNC, de la scénariothèque, qui est d'abord... Il y a deux parties de la scénariothèque. La mise en ligne de... Moi, je pensais de scénario très naïvement, mais alors là, je vous conseille de regarder carrément de dossier complet, en fait, du CNC. Donc, on n'a pas... Enfin, pour donner, donc on n'a pas que le scénario, on a vraiment... tout ce qui est recherche, je veux dire, enfin, c'est une mine. Et il y a aussi des rencontres, là, dans une deuxième partie, avec des auteurs. Mais déjà, la scénarité, pourquoi vous avez voulu mettre ça en place? Ça correspondait en fait à un besoin de la part des candidats, ou futurs candidats, ou candidats potentiels, en fait, hein, aux aides, qui nous posent quotidiennement plein de questions sur comment et dans quelles conditions pouvoir déposer un dossier. Donc l'idée, c'était d'illustrer en fait des conseils par des exemples réels, hein, des cas réels de projets alors qui n'ont pas forcément valeur de modèle parfait à suivre, hein, et à copier sans vergogne, mais en tout cas de se dire regardez en fait ce qui a déjà été fait. Et en général, c'est un conseil qu'on donne aussi très très général, hein, sur lorsque des jeunes porteurs de projets arrivent avec des idées de films. Souvent, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément cherché à explorer dans la recherche d'écriture. Est-ce que oui, ça correspond aussi avec ce qui se passe à Fontevraud, sur l'idée de l'écriture, et d'un seul coup, de montrer qu'il y a plusieurs styles d'écriture, parce qu'on a vraiment la Kali Petit Vampire, on a Mademoiselle Kiki, on a Elmo Tétanane, enfin, il y a des choses... Une vraie diversité, hein, en fait, dans les propositions de mise en scène, d'écriture et graphique. Et que l'idée, c'était de surmonter un peu les représentations parfois un peu sommaires, un peu schématiques, un peu caricaturales des films qu'on soutient au CNC. Donc, encore une fois, c'est pas une vitrine publicitaire, mais en tout cas, c'est surtout pour moi un outil d'information et un outil aussi pédagogique qui permet à des gens qui n'ont pas forcément fait d'école de cinéma, qui n'ont pas forcément connaissance justement de tous les paramètres artistiques, d'écriture scénaristique et graphique, et de se dire qu'effectivement, moi, mon projet, à quel stade de maturité artistique il est, et est-ce qu'il est pertinent de le déposer dès maintenant au CNC et dans d'autres commissions, et chez des producteurs, chez des diffuseurs, pour obtenir un financement. Est-ce que c'est pertinent maintenant, ou est-ce qu'effectivement, il faut que voilà, j'avance un peu plus en développement et que je trouve des espaces de conseils, d'accompagnement pour optimiser la qualité de mon projet et venir au bon moment en fait, hein, postuler. Ça c'est important, Olivier, d'en parler, le bon moment. Il y a tellement de projets, aujourd'hui on en parlait lundi, il y a tellement de projets qui sont proposés évidemment au CNC, qu'il y a vraiment l'idée de se dire non, là il n'est pas encore prêt, là il n'est pas encore prêt, là il est pas, là, il est, là on tente le coup. Ça c'est... C'est pas évident quand même de se comprendre. C'est difficile de juger, ouais. C'est difficile de juger. Parfois on se trompe d'ailleurs. Et ça peut mettre du temps. Parfois on a des projets qui arrivent, ils sont déjà tout proches d'être prêts. Et puis il y en a d'autres, il faut un temps de maturation, donc d'échange avec le producteur ou avec un scénariste ou encore de travail graphique. Ça peut être assez long, hein. Moi j'ai vécu, enfin, ça peut durer plus d'un an parfois, avant que le projet soit vraiment prêt à être. Il faut être convaincu, quoi. Voilà. Mais après, le producteur peut être convaincu et les membres de la commission ne le sont pas. Donc c'est encore un autre problème. Amélie, c'était une angoisse ce dossier ou un plaisir? Il est super important, il fait 135 pages. Ouais, mais bon, les cases de storyboard étaient un petit peu trop grosses, donc ça gonfle le projet. Non, c'est fait assez vite en fait. J'ai mis un mois à le faire, j'ai montré assez vite à Serge. Ce qui a été l'angoisse, c'est la note d'intention qu'on n'en a jamais fait. C'est un peu compliqué, c'est un très très bon exercice, mais ça, voilà, ça apprend à structurer sa pensée, essayer de penser les choses. Mais non, moi j'ai bien aimé faire ce dossier, ça permettait d'avoir un objet propre et savoir où on allait. Arnaud Demainck raconte justement pour la note d'attention qui, de temps à autre, donc Arnaud Demainck des Films du Nord, qu'il n'hésite pas à aider pour la note d'attention, il n'hésite pas à... Voir les écrire lui-même, ouais, tu sais pas qu'il a dit, en effet. Il l'a dit lui, hein. Est-ce que toi, ça c'est quelque chose que... C'est vrai que c'est très stressant la note d'attention, essayer de mettre en mots ce qu'on a envie de dire réellement. Est-ce que là, le producteur est important? Je ne l'ai jamais fait. Alors, effectivement, on travaille en note d'intention. Là encore, il y a des gens avec qui ça va assez vite, mais il y en a d'autres pour qui c'est vraiment un exercice très compliqué. Je ne sais pas, peut-être que si je me retrouve face à un auteur qui est vraiment en incapacité de le faire, peut-être qu'on l'écrira pour lui. Mais parfois, c'est un problème de traduction sur papier. Alors, il faut faire parler, il faut que ça sorte. Et j'ai remarqué que c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui ont un projet de film, mais ce n'est pas forcément très, très clair pour eux le pourquoi, ce qu'ils veulent vraiment dire, pourquoi, etc. Alors que même si le projet est assez abouti, d'ailleurs, c'est un exercice particulier, en fait, c'est de s'interroger sur la démarche qu'on a. Et c'est ça que demandent les lecteurs, c'est de comprendre quelle est la démarche du réalisateur. Et parfois, ils ne savent pas vraiment, quoi. Et puis, on est à l'inverse de ce que disait Nicolas Troschinski, justement, l'idée de liberté, en fait, de finalement de se dégager de tout ça et d'avoir même une certaine naïveté, comme il disait, face à son projet. C'est un autre choix. C'est un autre choix. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire des projets aussi avec davantage de liberté. On évoquait, je ne sais plus, c'était lundi, les propositions, j'en parlais tout à l'heure avec Amélie, les propositions de certains producteurs de faire des films sur des tout petits budgets, comme ça ils donnent des petites sommes avec une grande liberté aux auteurs. Là on est hors circuit. Et c'est vrai que sur certains projets, la proposition d'Arnaud Demain va dans ce sens-là, ça permet de faire des films qui seraient par nature difficilement finançables par un organisme comme le CNC, par exemple, parce que c'est des films court ou qui ont une espèce de liberté formelle comme ça, qui rend difficile le fait de convaincre sur papier. Et voilà, ça donne un espace de liberté pour ce genre de projet plus fragile et qui peuvent ne pas coûter très cher. Et là, effectivement, après, il faut pouvoir investir en tant que producteur là-dessus. C'est combien le budget de Kiki? C'est 140-145 000 euros. Ce qui est à peu près le... Une moyenne, non, pour ce genre de court-métrage de 10 minutes, 15 minutes Oui. En gros, c'est entre 100 et 200 000 euros, quoi, les court-métrages de cette durée. Mourad, est-ce qu'il y a, je cite souvent parce que de toute façon il m'oblige à la citer, Franck Dion, de Paquet 3D, qui dit, je ne sais pas si je fais des bons films, j'ai déjà répété ici même, je ne sais pas si je fais bon, mais je fais des bons dossiers. Je fais des dossiers qui sont, voilà, où on a envie de les regarder. Ils le disent aussi lors de l'oral, enfin voilà, qui faisait au CNC. Est-ce que ça, il faut séduire absolument le lecteur. Il disait, par exemple, je fais comme une bande dessinée, enfin, je fais pas une bande dessinée, mais je mets des images en face des dialogues. Enfin, j'essaye le plus possible qui s'évade pas trop et qui voit le film de suite en regardant le dossier. Ah oui, c'est un exercice assez difficile, hein, de donner envie, en fait, hein, d'éveiller l'intérêt, la curiosité. Mais en même temps, cultiver aussi le mystère du film et pas tout dire. Et vraiment, c'est stimuler l'imaginaire, en fait, hein, du lecteur et du futur spectateur. Donc, on ne demande pas effectivement un storyboard intégral, mais quelques planches pour donner, voilà, les principales caractéristiques techniques, hein, l'animatique, la texture, le visuel, les personnages, les mouvements. Mais on n'exige pas effectivement, enfin, Olivier a été dans la posture aussi, hein, en commission, d'être récepteur de projets. Donc, et en tant que producteur, je pense que, comme nous, effectivement, en commission, on n'a pas le contact direct avec les réalisateurs, évidemment, c'est le dossier qui est l'ambassadeur du projet et le porte-parole et doit donner le maximum d'informations, avec évidemment des supports d'accompagnement, hein, qui peut être un trailer, un DVD d'un film précédent, ou des références, ou des essais graphiques. Mais c'est vrai que, voilà, il faut donner le maximum, enfin, en tout cas c'est au candidat de réfléchir, prendre le temps de la réflexion pour se dire quels sont les éléments les plus importants pour montrer ce que j'ai envie de faire. Alors il ne s'agit pas de séduire à tout prix, c'est-à-dire de faire quelque chose qu'on va imaginer plaire à des gens de commission, mais c'est de dire ce qu'on a à dire et de se donner, enfin, d'être en paix avec soi-même pour se dire ce que je donne est la traduction la plus fidèle possible de mes intentions créatives, et que c'est ça qui est important. Après, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, en fait, c'est un autre problème, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de donner... fidèle à soi-même, ouais, et c'est fidèle, et c'est projet. Ça qui plaira, en fait, hein, c'est la cohérence de la mise en forme par rapport à l'intention créative, et pour moi, c'est ça le plus important. Et c'est pas de donner quelque chose qui est un produit qui est censé plaire au lecteur, quoi, et aux commissions. Est-ce qu'en animation, on n'est pas obligé d'être encore plus éducatif quelque part, en montrant par exemple des films anciens qu'on ne connaît pas, parce que moi j'étais lecteur en long métrage et je voyais que dès qu'il y avait un acteur, il connaissait, donc il pouvait rattraper le film en disant « Ah bah tiens, je vois bien un tel dans ce rôle-là », etc. Alors qu'en animation, ils ont pas forcément ça. Est-ce que c'est bien de montrer des films anciens, comme tu disais? Pourquoi pas dire des références sur des films d'animation que les gens ne connaissent pas forcément, en disant, ben voilà, plutôt dans ce style-là, dans ce style-là? Est-ce que ça alourdit le dossier ou au contraire, ça peut être intéressant? Non, ça l'enrichit. Hein. Effectivement, en fiction, les gens ne se gênent pas de montrer, mais en tout cas de citer des références de films contemporains ou du patrimoine pour dire, voilà, vers quoi j'aimerais aller, en tout cas, de donner à voir dans l'imaginaire. Mais effectivement, on peut être plus pédagogique en animation lorsqu'on a affaire effectivement à des réalisateurs qui sont connus du milieu, en fait, hein, et des spécialistes, et pas forcément du grand public, ou des professionnels du cinéma qui ne sont pas des fins connaisseurs de l'animation. Donc ça ne mange pas de pain de donner ces références-là. Est-ce que la scénarité, c'est pas aussi important de dire d'être mis en place comme ça pour pallier un petit peu, on sait en animation au niveau du scénario écrit, souvent je ne sais pas si il est passé d'abord par un storyboard ou un scénario. Moi, je suis passée par la voix off, tout bêtement, pour écrire. J'avais besoin de passer par là, vu que c'était la trame. Et après, j'ai écrit le storyboard. J'ai fait un peu le schéma inverse, vu que je ne savais pas trop où j'allais. Et après, j'ai écrit le scénario. Donc, un cheminement inverse qui n'est pas forcément... très bon, j'en sais rien, mais pas de règle. Mais j'avais envie de voir très vite où je voulais aller et ce que je voulais raconter. Donc pour moi, la meilleure option, c'était de passer directement à l'animatique et construire le film en direct. Enfin, La scénarotexte, c'est est-ce que le scénario est pris de manière un peu trop c'est pas une... Ouais, tu sens de suite, hein, ce que je voulais dire, non? La règle, c'est que souvent, au CNC, on base surtout beaucoup de choses sur le scénario écrit, hein, des mots, alors qu'on sait bien, Dora le disait ici, tu le dis souvent, c'est-à-dire que quand on regarde un dossier d'animation, l'une des premières choses vers lesquelles on va, c'est le visuel. c'est qu'est-ce que ça va m'apporter visuellement. Ça suffit pas, bien évidemment, mais il y a ça. Est-ce qu'il n'y a pas un manque là au niveau peut-être du CNC et de la lecture des dossiers, de cette compréhension du visuel, par exemple du storyboard? Moi, je m'étais rendu compte qu'ils avaient, certains avaient du mal. Alors, encore une fois, en long métrage, hein, c'est différent en court métrage, je sais, mais par exemple, pour lire un storyboard. Bah, moi, je pense que j'ai plutôt renversé la question. C'est que dans la réalité, hein, de ce que j'ai emmagasiné comme expérience, des retours des membres de commission qui ne sont pas des spécialistes de l'animation, c'est qu'ils étaient souvent assez séduits par le graphisme, la proposition visuelle, mais que par contre ils étaient assez critiques sur la partie scénario. Et que moi, c'est là d'où est venue l'idée, en fait, hein, de l'envie de proposer cette scénariothèque et de l'ouvrir à tout le monde, de la proposer vraiment pour sensibiliser, en fait, hein, les porteurs de projets à l'aspect scénario. Et qu'effectivement, dans les débats en commission, souvent il y a unanimité sur la qualité graphique des projets qui sont présentés, puisqu'ils sont très travaillés, très réfléchis, etc. Mais que souvent, ce qui pêche, c'est les lacunes sur le scénario et la construction. Et je pense que pour enrichir un peu ce message-là, c'est que, enfin, je t'en avais parlé la semaine dernière, et peut-être qu'on a dû mieux s'organiser pour anticiper ce qu'on pouvait proposer aux spectateurs du festival. On le fera peut-être sûrement à l'avenir. Oui. Mais je voulais citer un peu les autres projets, en fait, qui sont dans les autres films, qui sont dans la scénariothèque et qui sont présentés au festival, soit en compétition, soit hors compétition. Il y a La Grosse Bête de Pierre Le Grandjean, Lettre de fin de Augusto Zanovello, Maman d'Hugo Bienvenu, Le Banquet de la Concubine des Flamboy, et donc Mosaïque Kiki. Et c'est intéressant, regarde, Maman d'Hugo Bienvenu, vous avez peut-être vu, qui est en programme 2, hein, je crois, Le Banquet de la Concubine ou Mademoiselle Kiki les Montparnasse, on a là d'un seul coup trois écritures qui sont, mais presque à l'opposé en tout cas. Comment, au niveau scénaristique, autant on peut imaginer un peu de Mademoiselle Kiki et les Montparnasse, autant, par exemple, je serais curieux donc je vois en effet Maman du Bienvenu, de voir le scénario écrit. Il est de ce film. En ligne, et si tu es connecté au web, on peut immédiatement. Pas malheureusement, mais. Mais en tout cas, j'avais pensé à des idées d'animation à la fois ludique et pédagogique, hein, pour proposer aux spectateurs, en fait, de se dire, avant d'aller le voir en salle, prenons le temps, effectivement, de les découvrir, les lire, les analyser en les téléchargeant, en fait, hein, et puis prenons un temps en amont de la projection et ensuite après la projection pour en discuter avec les réalisateurs et les producteurs et refaire le match, entre guillemets, quoi, du projet et de se poser plein de questions. Donc c'est vraiment un approfondissement, en fait, hein, du rapport au film en découvrant, finalement, en amont, en se mettant dans la posture d'un producteur, d'un lecteur, de découvrir un projet à l'état de l'écrit et du dessin, et ensuite de découvrir quelques jours plus tard à l'écran. Il y a quand même il y a des projets papier qui sont quand même très proches du film terminé. Là, en l'occurrence, pour Kiki, aussi bien d'un point de vue scénaristique que même d'un point de vue graphique, il y a quand même beaucoup de différences. C'est intéressant à voir. Donc c'est intéressant, ça ne se regarde pas de mouvement, en disant, bah tiens, vous avez pas fait le film. Ouais. Dans le dossier. On a fait un autre film. Est-ce qu'il y a une question dans la salle sur aussi bien Mademoiselle Kiki que sur le scénario que sur la vision du CNC de l'animation? On va pas. Moi, c'est une question plus simple au producteur. Lorsqu'on produit quel public on vise, quel avenir on envisage pour ce film, et ça arrive à cette question. Le film est sorti maintenant, quel va être son avenir? Il y a un micro. Bah, c'est le problème de la diffusion du court-métrage. On a rarement des diffusions commerciales, donc la vie du court-métrage, c'est souvent d'abord la vie en festival, mais c'est même dans un festival comme ici, on a un certain nombre de spectateurs, ça reste quand même une diffusion un peu limitée. Ensuite, on a souvent une chaîne de télévision qui est en amont du projet, donc en l'occurrence la CRT qui diffuse demain soir et qui va probablement le rediffuser. Après, il y a tout un travail par l'agence du court-métrage qui met à disposition des films auprès de salles de cinéma qui s'abonnent à un système qui s'appelle le RADI. Donc, c'est une volonté des salles d'avoir accès à ce, à ces courts-métrages, et ils peuvent le programmer un petit peu comme ils veulent. Bon, voilà. Mais souvent, ça se réduit un peu à ça. Après, il peut y avoir des ventes internationales dans des chaînes. Et on a du mal à aller au-delà, sauf sur certains films, qui seraient plutôt des films jeunes publics, qui à ce moment-là peuvent avoir une exploitation en salle dans des programmes de courts-métrages. Et ceux-là sont souvent les mieux diffusés. Après, sur un film comme Mademoiselle Kiki, c'est clairement, c'est pas un film pour les enfants, donc on n'aura pas cette opportunité-là. Maintenant, c'est vrai que les durées de vie des courts-métrages, et notamment en animation, sont parfois très longues. En tous les cas, pour les films qui ont, qui ont un vrai impact, et je pense que c'est le cas, c'est en train de devenir le cas pour Kiki, dans 10 ans, je pense qu'on montrera encore le film, qui sera rediffusé à la télé, qui sera montré dans des programmations ponctuelles, dans des thématiques, etc. Donc, il y a quand même, finalement, quand on fait le compte des spectateurs qui ont vu le film, parfois on arrive à des scores, à des publics qui sont plus larges que de très nombreux longs métrages qui sortent en salle. Donc voilà, il faut relativiser cet aspect-là. Qui est en compétition à Clermont, il est en compétition ici, rien que déjà. Rien que ça, ça fait. C'est plus que ça, un long métrage. Oui, ça fait déjà un certain nombre de milliers de spectateurs, on est bien d'accord. Voilà, et puis parfois, on a des surprises comme ça. Les courts-métrages peuvent avoir aussi, amener à d'autres projets, et c'est le cas pour Mademoiselle Kiki. Alors, sans trop en parler, mais en effet, il y a ça, Mademoiselle Kiki a plu, et en fait, ça aide finalement Amélie à avoir d'autres projets, d'autres choses. Tu peux nous en parler un tout petit peu sans... Oui, je n'ai pas trop encore envie. Juste par rapport à la rencontre. C'est-à-dire que, Kate, tu m'as dit, quand c'est là, tu m'as dit, c'est incroyable, moi je vois ça de loin, le succès, enfin voilà, quand même, vous êtes Kiki, moi je ne comprends pas trop, mais enfin, voilà, qu'est-ce que ça t'apporte Concrètement, il y a 2 mois, j'ai reçu un appel téléphonique de producteur. Ah, j'ai entendu parler de votre film, voilà. Est-ce qu'on peut le voir? Et en gros, en 2 jours, ils sont venus sur Angoulême, ce qui est très chouette, et pour me proposer de travailler en co-réalisation sur une série de documentaires de 6 fois 52 minutes, produit par Arte. Et donc c'est un mélange entre de la fiction, du documentaire et de l'animation. Et le fait d'avoir vu Kiki, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au côté documentaire, l'animation, on leur a fait un déclic en se disant « Ah oui, on va parler des années 1900, 1920, on a peu d'images. » Du coup, l'animation peut être aussi une solution visuelle pour rentrer dans de la fiction et raconter différemment la vie des artistes. Bon, en plus, le thème, c'est les artistes à Paris de 1900 à 1945. C'est un petit peu dans la même veine. Mais là, effectivement, on va se poser réellement un travail entre documents d'archives et animation. Donc l'animation, ça sera 20% des images finales. Et donc, il va vraiment y avoir un travail en amont avec ma co-réalisatrice qui, elle, vient du documentaire et du long métrage pour penser le film et que ce ne soit pas juste posé, qu'il y ait des séquences d'animation et puis paf, on passe à autre chose. Mais trouver vraiment un lien, une cohérence entre les deux, trouver des ponts. Donc, il y a toute une recherche qui, je pense, va être vraiment excitante. Et là, du coup, on a un vrai scénariste. Donc ça, c'est aussi très, très agréable. Ça fait quand même 90 minutes d'animation. Hein. C'est l'équivalent d'un long métrage. Mais non, je ne sais pas que je pose la question de cette manière-là. Comment dire, c'est très excitant. J'allais dire c'est très angoissant. Ah oui. Pas que je dise peut-être ça. Si, c'est tout à fait ça. Non, mais c'est absolument génial. J'ai hâte de travailler dessus. Et en même temps, c'est comme pour Mademoiselle Kiki. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne vais pas faire la même chose. Il va falloir le réfléchir différemment. On ne sait jamais de quoi on est capable ou ce qu'on va proposer. Donc voilà, oui, il y a une part de réelle inquiétude. Pour finir, parce que c'est aussi une rencontre par rapport au producteur et au réalisateur, est-ce que c'est fondamental pour toi, tu as travaillé avec Trois Ours sans dire, je suis sûr qu'il y a des choses pas parfaites, Trois Ours, on ne dira pas maintenant, mais est-ce que de... C'est conçu sur l'idée. Le choix de son producteur, on en parle souvent, aujourd'hui il y a énormément de producteurs en animation en France, est-ce que, par exemple, de tomber sur les Trois Ours, est-ce que toi tu avais réfléchi quand ils t'ont dit, envoie-nous ton projet, tu avais réfléchi en disant, ah il y en a d'autres peut-être? Non. Bah, en fait, le projet Mademoiselle Kiki avait été remarqué par une autre boîte sur Angoulême, mais j'avais aucune affinité, il faisait de la 3D, ça n'allait absolument pas avec le projet. Serge le connaissait parce qu'il était intervenant à l'MK, l'école où j'étais avant, et j'aimais beaucoup son regard, mais c'est vraiment au cours du projet, il y a toujours des doutes des deux côtés, vous aviez des doutes par rapport à moi, moi forcément je débute, donc on se pose toujours des questions sur le rôle des producteurs, comment situer, est-ce que ça va fonctionner ou pas. Et au final, travailler avec Serge et Olivier, moi, ça m'a énormément apporté. Je pense qu'il y a un rapport de confiance qui s'est mis en place sur 3-4 ans. Et c'est vrai que ce projet de documentaire animation, la première chose, ça a été d'appeler Serge 2 minutes après pour lui dire voilà, ils viennent, viens avec moi au rendez-vous, parce que pour moi, il me semble nécessaire que les Trois Ours soient présents sur ce projet. Et pour moi, c'est une nécessité en fait. Il y avait une dernière question avant de terminer. Oui, la dernière. Non, c'est pas la peine de ramener le micro. C'était juste par rapport à l'avenir du court-métrage. Vous avez pensé au CNDP, vous avez parlé peut-être de circuits autres. Oui, bien sûr, le CNDP, il y a la DAR aussi, enfin, il y a d'autres organismes qui font aussi de la diffusion institutionnelle dans les médiathèques. Après, il y a tout un, on ne va pas détailler, mais il y a aussi d'autres formes de diffusion du film. Le film a été, les droits ont été acquis par les formes des images à Paris aussi, donc il va être en consultation là-bas. Enfin, il y a des tas de formes de prolongement de la vie du film. Il a d'ailleurs été édité aussi dans le DVD de Bref, donc tous les lecteurs de Bref peuvent le regarder. Enfin, voilà, il y a aussi des formes très diverses de diffusion du film qui fait que finalement, il trouve quand même, en tout cas, il touche un public qui est curieux de ce type d'œuvre. Le film est acheté par Arte. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on t'avait prévenu? Est-ce que tu connaissais simplement de l'animation et la Bessière? Comment est-ce qu'il y a eu une inquiétude par rapport à la rencontre ou non? Non, pas du tout. Enfin, inquiète parce que j'arrivais dans le milieu et on a des doutes, mais sinon, j'ai eu. Au contraire, c'était une super expérience d'arriver, d'avoir le dossier qui était déjà présélectionné, discuter avec elle. Non, j'ai pas eu. Non. Enfin, non, c'était. Je ne sais pas si je réponds à la question. Non, mais il y a un côté un peu. On prend ce qu'on a, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu sors de l'école. Il y a un côté un peu incroyable. Dans l'école, tu le présentes, le film se fait même en 5 ans. Il a le succès qu'on connaît maintenant aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a quelque chose que tout s'enchaîne finalement. Oui, non, mais ça, c'est un truc qui me dépasse depuis le début du projet. C'est. Je ne sais pas, je pense que le thème. Que ce soit Kiki, ça a créé un engouement autour qui me dépasse depuis le début en fait. Et j'ai décidé de me laisser un peu porter, de le prendre comme ça. Enfin, c'est pas de la naïveté ni quoi que ce soit, mais c'est des belles rencontres à un moment où ça aurait pu être compliqué, dur, et les choses se font naturellement. Donc j'ai vécu comme. Je sais pas, c'est. Enfin. Ça rend le projet magique quelque part. Il a été dur dans la réalisation, long, mais je crois que ça m'a donné l'énergie pour aller jusqu'au bout et essayer de le faire du mieux que je pouvais avec mes compétences et aussi mes incompétences, mais enfin voilà, mes limites. Peut-être juste pour préciser, et ce qui est quand même étonnant, c'est que pendant la fabrication du film, il y a eu deux rencontres de work in progress sur un court-métrage, ça n'arrive pas souvent, deux expositions sur le film. Donc effectivement, il y a la fabrication elle-même du film a été marquée comme ça, d'étapes de rencontres. Oui. Mais c'est probablement lié au sujet. Oui, je pense. Et du coup, c'est dur de... Là, je m'en détache depuis que je l'ai fini. J'ai du mal à le voir, mais je pense parce que ça a été tellement beau que je me dis, c'est arrivé une fois, ça pourra pas... Enfin, c'est... Voilà. C'est toujours un peu l'inquiétude après quand on a cette chose qui nous porte d'un seul coup parce que le thème est fédérateur. Et quand on a des doutes comme ça, tu as pu en avoir, c'est vrai qu'on accepte facilement les retours positifs où on se pose plein de questions en disant « ouais, mais ils me disent ça », ou alors on les accepte rapidement en disant « ça fait du bien ». J'ai la tête dure. J'entends beaucoup plus les critiques que les compliments, mais je pense que ça, c'est selon chacun. Et non, ça rentre pas trop. Mais bon.